duma palca, to chuj się nie gramy, bo pójdę do tańca, to chuj się walimy. Halba, a nie drinki, że mamy ciary i znamy wszystkie cichy. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur À l'Ouest Rien de Nouveau pour un petit tour du côté de la Bulgarie. Salut Souris. Salut Mickey, salut tout le monde. Bon, ouais, pourquoi pas retourner par là-bas pour une nouvelle fois, voilà. Ouais, et on n'est pas totalement en territoire inconnu parce qu'on va commencer tout de suite du côté de Sofia avec Beat of Terror. Oui, voilà, un de nos petits groupes fétiches. Bulgarie, Sofia, fondée en 2005, tout ça. Le titre, ça s'appelle Punks and Skins, on ne peut pas faire plus simple. Ah, c'est clair. C'était Beat of Terror avec Punks and Skin. Et on va aller dans la deuxième ville de la Bulgarie, c'est Poldiv avec Bunch of Assholes. Ouais, un nom quand même assez imagé, on va dire. Ouais, un groupe de Plovdiv de 2013 et le titre c'est alors Pim Bira, mais alors est-ce que Pim c'est une marque de bière? Je me pose des questions, mais bon, en tout cas la traduction c'est ça, c'est bière Pim, donc ou alors voilà, il n'y a pas une traduction correcte. Une J'ai fait bière de au mon mieux, yaourt. non, mais voilà. Il y a des fois où je n'arrive pas à résoudre tous les secrets. Les secrets de ces langues obscures. Viviera! Viviera! Viviera! Събирам се да пия с всички вас, събирам се да пия, хайде в нас. Тази вечер, яко ще се пие, тази вечер, всички ще се пие. Wanna drink beer? Yeah! C'était Bunch of Assholes avec Pim Beer. On va à Varna maintenant, dans les années 80, enfin à la fin des années 80, avec Abort. Ouais. J'ai pas trouvé spécialement de. Là, de toute façon, on reste sur les groupes. J'ai pas trouvé de grosses informations, je dois dire. Hein. Donc, c'est vraiment les trucs de base, malheureusement, que j'ai à vous donner. Donc ouais, un groupe formé en 89 à Varna, comme tu disais, et le titre c'est Pusha Vreissa, qui veut dire je fume pendant le vol d'avion. Ah, c'est pas sympa ça. Ah. Bon, après en 89, je sais pas, ça se faisait peut-être encore. Ouais, c'est clair. C'est vrai que ça fait bizarre quand on y repense. Puxa presa, puxa presa, puxa presa. Sei que certo busca a toa, é Deus até que eu preso. Já conheci uma carta, trazendo o preço direto. Puxa presa, puxa presa, puxa presa. Već se čuva glas. Moja, bileti i karti za proverka. Moja, bileti i karti za proverka. Moja, bileti i karti za proverka. Moja, bileti i karti za proverka. Pijala Montana i Ozar. Jednaka se razvika. Dajte kontroler kata. I u ruci da opita. Puša fresa. Puša fresa. Puxa presa, que agora que você é o flash, que se vê o teu na banda, passo o banho se tu chusta, se tu se vai fechar. Puxa presa, puxa presa, puxa presa, puxa presa, e veja se não chuva glass. Molha bilhete e carte za proverka. Molha bilhete e carte za proverka. Molha bilhete e carte za proverka. E não sinta que eu ajudo assim. C'était Abort avec Pusha Vreissa. Je fume pendant le vol d'avion. Et on va à Bourgas. Enfin, sacré tour de la Bulgarie donc aujourd'hui. Écoute, hein, pourquoi pas. Et là, on peut voyager gratuitement. Là. Ouais, c'est clair, ça fait plaisir. Et c'est Alcophilia. Ouais, Alcophilia, je pense que tout le monde peut comprendre. Hein, ça va. Un groupe donc de 94. Et alors, on reste dans l'alcool, hein, puisque le titre, ça s'appelle Alco Invest. Nous venons donc d'écouter Alcophilia avec Alco Invest et on poursuit avec Antifreeze. Ouais, alors je ne sais pas si c'est une référence, tu sais, au. Parce que bon, c'est de l'antigel, antifreeze. Ouais. Je ne sais pas si c'est une référence aux gens enfin, qui buvaient et qui boivent, peut-être encore certainement, surtout dans les pays d'Est, les produits toxiques quand ils n'ont plus d'alcool sous la main. C'est possible. un groupe formé en 2011 et le titre c'est Kilomètre Naprolibum, pardon, Bosphore. Et donc ça veut dire Kilomètre sur le Bosphore. Antifreeze avec Kilomètre Nad Prolivum Bosphore. Et on retourne à Sofia avec Remont. Ouais, qui veut dire réparation, a priori. Je dis bien a priori, hein, parce que des fois, je me méfie quand même des traductions. Ouais. Oui, j'imagine. Et donc, ouais, j'imagine bien. Ouais. On a un groupe de 2006 et le titre, c'est Yedin Jivom Yedna Bora. Donc, une vie, un combat. Waouh! On est sérieux là. Pas là pour rire. Thank you. festival è la polvo. Via, Iscavenger Band. Festival è la polvo. Via, Iscavenger Band. Festival è la polvo. Via, Iscavenger Band. Raymond avec Yedin Yevov, Yedna Brobra. Et on va aller. Oh, on continue notre petit tour dans une ville qu'on n'a pas encore explorée, c'est Dobrich. Ouais. Avec le groupe qui s'appelle Counterbirth. J'ai malheureusement pas trouvé leur date de formation. Donc voilà. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça des fois. La faute, en fait, à tous ces groupes qui mettent pas d'infos, bordel de merde, quoi. Voilà. Connard. Ouais. Et le titre, c'est Dobrich City. Donc, petit titre, j'imagine, un truc de fou qui parle de leur ville. On est là et on est fiers, là. ou alors, c'est pour en parler mal, va savoir. Ouais. On est là et c'est trop nul. C'était Counterbuff avec Dobrich City. On poursuit à Varna avec Momcheta Skubinki. Ouais, j'ai pas trouvé de traduction qui avait un sens, tu vois, enfin voilà, quelque chose qui avait l'air pas complètement barré ou je sais pas quoi, donc on en restera là. C'est un groupe de 2002. Après, ça peut être barré. C'est des gens quand même qui appellent leur nom de groupe Garçon de Cuba et Tête de Poule. Donc on est à l'abri de rien. Bon, après, ça change des noms de par chez nous. C'est que pratiquement plus que des trucs de baston. Écoute, hein, Oui, c'est clair. Ah, voilà, écoute. Ah, oui, moi, Chacun son petit truc. C'est sûr que des fois, j'aimerais bien connaître en fait, des anecdotes qui amènent les groupes à prendre tel ou tel nom. Ça serait assez rigolo, quoi. D'ailleurs, c'est ça. Manchetta Skubinki, c'est garçon avec des Cubains. Voilà. Oui, on en avait déjà passé. Mais je sais pas, je trouve cette traduction tellement bizarre. Mais bon, bref. Ça me laisse un peu perplexe toute cette histoire. C'est un groupe de oi punk de Varna, quoi. Ah, je ne sais pas si tu entends, mais il y a la sirène par chez moi. Non, j'entends pas. Ah bah écoute. Dans ton appartement vide qui résonne. Oui, c'est ça, parce que je suis. là là, bon bref, Parce que encore un bon déménagement. si vous vous demandiez, non, ces trois derniers épisodes, non, Souris n'est pas enregistré dans une capitale, dans une cathédrale, pardon, juste chandé, juste déménagé. C'est ça, et je profite encore du Wi-Fi de mon appartement vide qui est encore là. Bon, bref, ouais, bah, du coup, on était dans les anecdotes, donc voilà. Allez, on en revient à nos moutons cubains, hein, de Bulgarie. Et donc, le titre de qu'on va jouer là de Mamcheta Skoubinki, c'est Gord, qui veut dire fier. Гостам чешовских и цитов, как ты все умра Гостам от своя начи на живот Гостам от своя скромный твой исход А сам год А сам год Иска да отнемат достоинството от мен Иска да прекарам живота си в плен Смърт ли ми съм по-добен обрен С чом да си гордост да се подреден Аз съм го Аз съм го C'était le groupe de Varna Momcheta Skoubinki avec Gord. Et on va finir avec un groupe au chant féminin du côté de Sofia. Ouais, qui s'appelle Razbrat Ipokvara, qui veut dire débauche et dépravation, donc tout un programme. un groupe formé en 2008, et le titre, c'est Kte Smianie, qui veut dire où sommes-nous? Bonne question. Ouais, c'est clair, on se demande nous aussi. Просто машини, създадени реакции, сърце умря. Et c'est ainsi que se termine cette émission avec débauche et dépravation. merci Souris pour la préparation et la co-animation de cet épisode. Ben, oui, toujours avec plaisir. Et puis, ben, j'espère que ça plaît à tout le monde. Voilà. Et en tout cas, Ça on fait se un peu retrouve. hippie ce que je viens de dire, Quoi, c'est pas grave. mais On se retrouve la semaine prochaine. Restez à l'écoute de Droogies Radio car la voix de la Oi ne s'éteint pas. Salut! salut!